Nous saluons chacun de vous cet après-midi au nom de Jésus-Christ. Amen. Sans tarder, levons-nous pour la prière. Bila kugawia, tusimame juu ya maombi. Seigneur notre Père. Bwana baba yetu. Dans toute humilité, katika unyenyekevu yote, nous nous approchons de ton trône de grâce. Tunakaribia kukiti yako ya rehema. Pour te demander pardon parce que nous sommes des hommes. Tu akuomba msamaha juu tuko watu. D'une manière ou d'une autre, nous t'avons offensé. Namna moja na ingine tuliukosea. Ne nous juge pas dans ta justice, mais considère le travail que Christ a battu au bas du calvaire. Seigneur, descends cet après-midi et parle à nos cœurs. Il n'y a que toi qui donnes la vie. Viens vivifier nos âmes et nous donnerons gloire à ton nom. Bénis chaque frère et chaque sœur. Que celui qui est venu avec un fardeau sur son cœur, que la solution lui soit donnée. Que celui qui est malade retrouve la santé. Le salut est un don qui vient de toi. Seigneur, sanctifie chacun de nous. L'onction vient de toi. Parce qu'il est écrit dans ta parole que c'est ton onction qui enseigne. Viens nous enseigner, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Nous te prions ainsi. Amen. Amen. Nous saluons en même temps les frères et les sœurs qui sont en ligne. Dans Matthieu au chapitre 24. Matthieu au chapitre 24. Dans son verset 1 à 3. Mustari ya kwanza hadi kutatu. Comme Jésus s'en allait au sorti du temple, Ravile Yesu alikuwa anaenda mkutoka mwekalu, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Wanafunzi wake wakamkaribia juu kumuonesha majengo. Mais il leur dit, alakini akawaambia, voyez-vous tout cela? Unaona hivi vyote? Je vous le dis en vérité, namiambia kweli kweli, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Akutabakia hapa ribo yulu ya ribo ingine bila kupomolewa. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Akaketi pamulima ya mizeituni. Et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Na wanafunzi wakakuja kwa upeke juu kumuuliza iulizo. Dis-nous quand cela arrivera-t-il? Utuambie hivi vitu vitafika wakati gani? Et quel sera le signe de ton avènement? Na alama ya kurudi kwako ni iko wapi? Et de la fin du monde. Na ya mwisho ya dunia. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Bwana Mungu aongeze baraka kusomi wa neno lake. Par la grâce du Seigneur, kwa neema ya Bwana, nous avons été visités au travers des hommes de Dieu qui sont passés du haut de la chair. Bali tulitembelea kwa watumishi wa Mungu wale walipita kuimi mbali. Les visiteurs, nos visiteurs comme les locaux. Ba ubiri wa keni na ba ubiri wa pahali, qui nous ont parlé de la part du Seigneur. Baritwambia kwa upande wa Bwana. qui nous ont enseigné les voies de Dieu, qui nous ont parlé d'une manière à ce que l'Église marche en harmonie, et que chaque frère et chaque sœur ait une bonne expérience avec le Seigneur pour son salut, marchant dans la sanctification, dans la soumission de toute la parole, en attendant le retour du Seigneur. Dimanche, je vous ai demandé d'amener vos questions. Pour consacrer une semaine à cela ou quelques jours, avant de prendre la parole prophétique. L'écriture que nous venons de lire ici Frère Branham explique et dit ceci. Duku Branham anafasilia na kusema hivi. Ce chapitre de Matthieu 24, hii sura ya Matayo, sura makumbi na ine, le verset 1 et le verset 2, musari ya kwanza na ya pili, ça s'est passé le 4 avril en l'an 30. Irifanika le 4 avril 1930. Dans les avant-midi. Mu asubuhi. C'était les avant-midi. Mwaka makumi tatu mwa asubuhi. C'était les avant-midi. Nimbele ya mangaribi. Le 4 avril l'an 30. Le 4 avril mwaka wa 30. Comme Jésus s'en allait au sorti du temple, le temple ainsi que les monts des Oliviers sont séparés par la vallée de Cédron. Inatenganishwa na ile bonde ya Cédron. Le temple se trouve de l'autre côté de la montagne, de la vallée. Na ekalu iku ile ngambo ya mulima. Et la montagne se trouve juste à côté de Gethsemane. Ekalu iku ngambo ya bonde, alakini mulima iku ngambo ya Gethsemane. Jésus était allé au temple pour adorer. Yesu alendaka ku ekalu juu ya kuabudu. Et après l'adoration, il devait retourner. Nakisha kuabudu aripasha rudia. Et pendant qu'il sortait de Jérusalem, wakati alikuwa anatokea Yerusalem, cette belle ville qui est entourée d'une belle clôture, d'une grande clôture, hii mji mzuri yenye kuzungukwa na ukuta mzuri, un temple qui était vraiment bien construit, ekalu ile walijenga mzuri kabisa, avec toutes sortes de pierres qui sont venues presque du monde entier. Nama aina yote ya maibo ilitokea ulimwengu mzima. Les disciples voulaient faire remarquer à Jésus la beauté de ce temple. Wanafunzi wanipenda wamuoneshe Yesu urembo ya ile hekalu. Ils ne comprenaient pas que ce temple là serait détruit. Les disciples ne comprenaient pas que Dieu ne s'attache pas au matériel. Et lorsqu'il voulait faire remarquer la belle construction du temple de Salomon, wakati ile walipenda wamoneshe yetu Yesu ile majengo mzuri ya hekalu ya Salomon, la réponse de Jésus-Christ Jibu ya Yesu Christo sur ce temple fut vraiment décevant de la part des disciples. Yulu ya iye kalu irilekesha wanafunzi. Ils se sont tus. Warikala kimia. Et dans les après-midi, na kumangaribi, Jésus est allé s'installer sur cette montagne des oliviers. Yesu arenda kuikala pa ile mulima ya mizeituni. Mais dans le cœur des disciples, alakini mumoyo ya wanafunzi, il y avait une grande préoccupation sur base de la réponse que Jésus-Christ avait donnée sur le temple. Il n'avait pas douté de ce que Jésus disait sur le temple. Parce qu'il croyait que le Seigneur disait toujours la vérité. Et ce qu'il avait prononcé sur le temple de Jérusalem s'accomplirait certainement. Maintenant, leur préoccupation était de savoir quand est-ce que ce temple serait détruit. Et en voulant savoir quand est-ce que le temple serait détruit, comme dans leur pensée, ils étaient attachés au rétablissement du royaume d'Israël, alors que Jésus leur avait parlé de son retour qui viendrait après sa mort et sa résurrection. Il voulait avoir des signes qui les avertirait lorsque cet événement arriverait. Et le verset 3 s'est passé toujours le même jour, le 4 avril l'an 30, le 4 avril mumwaka wa 30, mais dans les après-midi. Alakini ni mangaribi. Et à partir de cette question et de toutes les préoccupations qui étaient dans leur cœur, Jésus a fait tout un enseignement. Il leur a parlé maintenant de la prophétie. Il voulait savoir, Seigneur, dis-nous, quand la destruction du temple arrivera? Ni wakati kani kubomolewa kwa hekalu kutafika? Et donne-nous les signes de ton retour. Na utupatie tena na alama ya kurudi kwako. Et dis-nous les signes de la fin du monde. Utuambie tena maalama ya mwisho ya dunia. En réalité, ce n'était pas une question. Akika haikukwe ulizo. En réalité, c'était 3 questions qui furent posées au Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus a pris tout son temps pour maintenant enseigner et éclairer son épouse, ses disciples. Aujourd'hui, on ne va pas traiter de ces questions. Nous allons en parler plus tard avec beaucoup de détails. Mais aujourd'hui, comme j'introduis, et que je sais que beaucoup de frères et sœurs sont de nouveaux croyants, ils ne savent pas comment nous conduisons cette église. J'aime seulement dire à tous les nouveaux venus que dans ce tabernacle, nous avons l'habitude, après un long enseignement ou pendant une année, d'avoir une fois ou deux fois une série de questions-réponses. où nous donnons l'occasion à l'Église de parler. Mule tunapatia kanisa bahati ya yo kusema. C'est vrai. Ni kweli. Et pourquoi nous faisons ces questions-réponses? Dieu a nini maulizo na majibu? Pourquoi nous voulons que chaque frère et chaque sœur amène sa préoccupation? En demandant les questions à l'Église, nous avons un objectif précis. Premièrement, nous avons un souci profond de savoir ce qui préoccupe le cœur des frères et sœurs. Quelles sont les préoccupations de l'Église? Après que nous ayons su ce qui préoccupe l'Église, c'est-à-dire les frères et les sœurs, cela peut nous aider maintenant à réajuster les enseignements de l'Église, dans l'Église. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma sœur. Nous ne prêchons pas pour un simple plaisir. Nous sommes l'Église du Seigneur. Nous sommes ici pour un objectif. Et nous prêchons avec un objectif. Et nous voulons que chaque frère et chaque sœur atteigne cet objectif-là pour son meilleur avancement spirituel. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma sœur. Après qu'on ait su ce qui préoccupe les pensées des frères et des sœurs dans l'Église, cela va orienter nos prédications et nos enseignements. Pourquoi? C'est pour faire avancer l'Église dans la paix, dans l'harmonie, dans l'amour. Et nous voulons voir notre Église être enracinée dans la parole de vérité. Je l'ai souvent dit, je n'ai jamais aimé voir cette Église ballottante. J'aime voir cette Église être solide dans les enseignements bibliques. J'ai toujours aimé voir cette Église avoir vraiment une foi stable en toutes choses, dans tous les domaines de la vie. J'ai toujours aimé voir les frères et les sœurs faire de bonnes expériences du salut. Vous voyez bien, mes frères, des gens qui marchent, d'abord les gens ayant une bonne expérience avec le Seigneur, les gens qui marchent dans la sainteté, une vie salée de la vie de Christ, des hommes et des femmes qui marchent dans la crainte de Dieu, des hommes et des femmes qui sont baptisés du Saint-Esprit, des hommes et des femmes qui sont solides dans les enseignements de la Bible. Manayake bana hommes na bana muke, banajua kile banamini, banajua kile beko na kombania, banajua banatokea wapi, banajua beko wapi. wapi? Na peko nenda wapi? Jushi atuna zebu. Parce que nous ne sommes pas une dénomination. Atuna nkunji ya kikabila. Nous ne sommes pas un groupe de mutualité. Mutualité. Atuna ONG. Nous ne sommes pas ONG. Voyez, non bien mes frères. Non bien mes sœurs. Nous sommes l'église du Dieu vivant. Dans la cité de Kambov. Et vous êtes censé connaître tout ce qui appartient à Dieu, tout ce qui appartient au royaume de Dieu, et vous êtes censé marcher avec le programme de Dieu, avoir la pensée de Dieu, et marcher dans cette pensée d'une manière qui glorifie le Seigneur et qui édifie chacun de nous. Oui, bien aimé frère. Quand un frère ou une sœur ne connaît pas ce qu'il croit, mais il fait un acte de folie, il ne comprend absolument rien. Il avance comme un aveugle. Il ne sait pas ce qu'il croit. Il ne sait pas ce qu'il fait. Il ne sait pas où il va. Non, bien-aimé frère. Non, bien-aimé sœur. Maintenant, avec les questions-réponses, après avoir su ce que l'Église, ce qui préoccupe l'Église, les enseignements seront donnés correctement pour éclairer chaque frère et chaque sœur afin que chacun de nous ait une foi stable en toutes choses, dans tous les domaines, sur tous les plans, en attendant le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. On ne peut pas attendre le retour du Seigneur dans la confusion. On ne peut pas attendre le retour du Seigneur Jésus-Christ, du Seigneur Jésus-Christ sans savoir ce qu'on fait, où on en est avec notre foi. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. Et tout véritable serviteur a cette préoccupation. Là, ses soucis. Je n'ai jamais aimé avoir une église qui flotte. Non, frère. Non, ma soeur. C'est pourquoi c'est notre souci de transmettre tout ce que Dieu a mis en nous, de vous transmettre tout ce que Dieu a mis en nous. À ce moment-là, vous serez rassuré dans votre marche chrétienne. Oui, bien-aimé frère. Pas quand une nouvelle chose apparaît, soit les gens courent derrière la chose, ou soit les questions commencent à s'élever. Quand il y a des questions dans les cœurs, la foi n'est pas stable. Dans les cœurs où il y a la foi, il n'y a pas de questions. Quand il y a des questions dans les cœurs de quelqu'un, cela sous-entend que cet homme-là n'est pas éclairé. Cet homme-là n'a pas une foi stable. Cet homme-là ou cette femme a des doutes dans sa foi. Et comment pouvez-vous avancer avec des doutes dans votre foi? Quand il y a des doutes dans votre foi sur les choses de Dieu, Et dans les choses de Dieu, c'est si ce doute-là que Satan viendra est vrai pour vous conduire dans une fausse doctrine ou dans une séduction. Alors c'est notre devoir de vous enseigner. Ce n'est pas seulement nous. Même Frère Branham m'en parle. Regardez dans la question-réponse sur la Genèse. Qu'il prêcha le 29 juillet 1953. À la page 1, dans son paragraphe 2, jusqu'au paragraphe 5, le prophète dit ceci: la raison pour laquelle nous faisons ceci, la raison pour laquelle nous demandons des questions à l'Église, c'est pour savoir ce que les gens ont à l'esprit, ce qu'ils pensent. Voyez-vous, c'est ce qui engendre une bonne et une solide Église. Est-ce que l'Église est avec moi? Est-ce que vous suivez ce que Frère Branham me dit? J'introduis aujourd'hui. Voyez-vous, c'est ce qui engendre une bonne et solide Église. Si les gens ont des préoccupations dans l'esprit, ils ont des occupations dans leur esprit. Il pose des questions. Et le berger le répond. Conformément aux saintes écritures. Après avoir répondu. Ma question est dans ma liste au maro ya baminifu. Et les questions sont terminées. Ma question dans ma liste kandani akanisa. Les questions sont terminées dans l'église. Quand il n'y a plus de questions dans l'église, dans les cœurs des gens, maintenant les hommes et les femmes peuvent se préoccuper uniquement de leur salut. Et quand les gens commencent à se préoccuper de leur salut, et ils s'éloignent des futilités, cela engendre une bonne église. Ça fait maintenant une bonne église et une solide église. Vous voyez, vous devez avoir des moments, tout comme lorsque vous devez faire un ratissage. Ratissage, c'est-à-dire enlever tout ce qui peut faire obstacle à la foi. C'est comme lorsque vous devez faire un ratissage, c'est-à-dire faire dissiper toutes sortes de doutes dans les cœurs des croyants pour qu'il n'y ait plus de questions dans leur cœur. Pour enlever les gratterons, c'est-à-dire les obstacles, les obstacles dans leur foi, dans leur marche de la foi. Vous voyez pourquoi on fait cela? Pour dissiper les doutes dans le cœur du croyant, pour qu'il n'y ait plus de questions. Dans leur cœur, qui est pas kaimani, qui est seulement la foi. Vous voyez? Et une foi fondée sur la parole de Dieu, sur les Écritures. Vous voyez bien, mes frères? Et quand il n'y a plus de foi, maintenant Dieu peut agir. Voyez bien mes frères. Voyez bien mes sœurs. Quand quand les obstacles de la foi sont ôtés, tous ceux qui peuvent obstruer la marche d'un croyant, les obstacles sont ôtés dans la foi. Plus de questions, plus de doutes. Chacun marche avec assurance et avec espérance. Il croit dans la parole de Dieu. Il croit dans le véritable Dieu. Il sait que tout ce que Dieu dit est vrai. Parce que sa foi est correctement bâtie sur la parole de Dieu. Vous voyez bien, mes frères. Et tout comme lorsque vous devez faire un ratissage, dissiper pour enlever les gratterons et tout, enlever toutes ces choses du chemin de sorte que vous avanciez normalement. Vous voyez, parce que si vous avez des questions, vous avez des doutes, vous voyez, tu ne peux pas marcher normalement. Vous marchez anormalement. Vous voyez bien, mes frères. Ainsi, la raison pour laquelle nous avons de temps en temps une soirée consacrée aux questions, c'est pour savoir ce qu'il y a. Qu'est-ce qui se passe dans l'église? Qu'est-ce qui se passe dans le cœur des gens? Qu'est-ce qui se passe dans les relations entre frères et sœurs? Qu'est-ce qui se passe dans les couples? Qu'est-ce qui se passe dans les relations de famille? Voyez bien, mes frères. Et cela permettra de réajuster toute chose avec la parole de Dieu, avec les enseignements. Voyez bien, mes frères, s'il y a des questions, voyez, s'il y a des questions, on répondra à ces questions. N'importe quoi, ayant trait à l'écriture, je répondrai. Posez la question. Voyez, frère. Voyez, sœur. Posez la question. Tout ce qui a trait à l'écriture, tout ce qui préoccupe ta question, qui préoccupe ton cœur, tout ce que tu vois qui fait obstacle à votre foi, là où il y a des doutes, posez la question. Oui, bien, mes frères. Mais il ne faut pas poser des questions mythiques, imaginaires. Non. Il faut poser des questions réelles. Il y a bien tout qu'on a ici. Des choses que tu vis. Nabile bien tu ko la muka muro yako. De telle manière kama la kujibu. Kufuatana neno la Mungu. Unaangaziwa. Na unaendelea muimani. Et que tu puisses prospérer dans la foi. Avancer dans. Apana kuuliza des questions imaginaires. Apana kuuliza maulizo ya kuwazia. Et des questions non bibliques. Ya sipo kwa ya Biblia. Qui ne peuvent pas t'avancer. Ila Yesu kufanya uendelee muimani. Posez toujours des questions. Kuulize kila mara maulizo. Qui vous aideront. Ita nisaidia. À avancer dans la foi. Kusonga mbele muimani. Et à stabiliser ta foi. Na ya kuwa na msimamo mzuri muimani. Voilà ce que fait un véritable chrétien. Ile ndio mkristo wa kweli kuna. Un chrétien ne pose pas de questions pour comparer sa connaissance. Non. Ça, c'est Satan. Ce n'est pas Dieu. Je disais, n'importe quoi, ayant trait à une écriture, j'y répondrai. Vous voyez, nous y répondrons. Vous voyez, alors posez vos questions. Parce que si vous posez une question qui fait une préoccupation, qui fait pression dans votre cœur, aussi longtemps que vous aurez cette pression dans votre cœur sur une chose dont vous avez des doutes et vous n'avez jamais été éclairé, vous n'avancerez jamais. Est-ce que l'Église est avec moi? Donc, pas de questions imaginaires. Des questions qui ne peuvent pas vous aider. Posez les questions qui vous aideront et qui vont aider l'Église. Pas une question qui va passer du temps à l'Église. Si vous n'avez pas de questions, n'inventez pas de questions. Dieu connaît notre cœur. Quand vous commencez à inventer des questions, vous ne serez pas béni. Et même une réponse qui vous sera donnée ne vous aidera pas. Parce que ta question, elle n'est fondée nulle part. Elle n'a pas de fondement. Ne posez pas de questions sur d'autres personnes. Non, posez les questions sur toi-même. Ne posez pas de questions pour humilier les autres. Non. Posez une question pour que vous soyez éclairé. Et quand vous êtes éclairé, il n'y a pas de problème. Ça va t'aider à avancer dans la foi. Oui, bien-aimés frères et sœurs. Ça va vous aider. Dans question-réponse du 3 janvier. 3 janvier 1954. Page 3, 4, paragraphe 16 au paragraphe 17. Frère Branham dit, posez des questions, j'y vais y consacrer un temps et j'y répondrai au mieux de ma connaissance. C'est-à-dire, j'y répondrai selon toute la connaissance que j'ai sur les Écritures. Voyez bien mes frères. Voyez bien mes sœurs. Mais j'ai fait ceci. Je demande les questions. Je fais ceci pour un but. C'est pour essayer de découvrir ce qu'il y a sur le cœur des gens. Vous voyez. Ainsi, si je vois 4 ou 5 personnes, après que les gens aient posé des questions, maintenant si j'ai remarqué que 4 ou 5 personnes mettent l'accent sur une chose, moi déjà en tant que pasteur je comprends qu'il y a une préoccupation dans l'église. S'il y en a déjà 4 ou 5, alors il faut redresser la chose, il faut éclairer la chose avec la parole de Dieu. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui fait obstacle à plusieurs personnes. Vous voyez bien mes frères, quand on lit les questions, on discerne ce qu'il y a derrière les questions. On voit pourquoi le frère ou la sœur a posé la question. Quel est l'objectif qui a amené la sœur à poser cette question? Et quel est l'intérêt spirituel qui se trouve dans cette question? Maintenant, si ça devient une préoccupation dans l'église, alors on note cela et on fait un enseignement pour que l'Église soit éclairée et qu'il n'y ait plus de questions sur cette préoccupation. Alors je dis, alors je me dis, oh là là, voilà. Je sais maintenant où vous en êtes. À partir des petites questions dans l'église. Vous voyez? Maintenant, oublions simplement ces petites questions. Et la chose principale, par-dessus tout, c'est de garder l'église dans l'harmonie et dans l'amour de Dieu. Vous voyez? La chose principale, même quand nous répondrons aux questions, après avoir vu l'esprit qui anime les frères et les sœurs en posant leurs questions, mais dans notre objectif final, c'est de garder l'église dans l'harmonie et dans l'amour de Dieu. L'église ne peut pas avancer si elle n'est pas dans l'harmonie. L'église ne peut pas avancer si l'amour de Dieu n'est pas dans le cœur des croyants. Ça ne peut pas marcher. Vous voyez? Et la chose principale par-dessus tout, c'est de garder l'église dans l'harmonie et dans l'amour de Dieu et en marche na mukutembea. Et si nous pouvons tous croire que le sang de Jésus-Christ nous lave de tout péché et de toute iniquité, vous voyez, nous ne sommes pas d'accord. Il peut y arriver que nous ne sommes pas d'accord sur les écritures avec certaines personnes. Mais nous faisons avancer l'église dans l'harmonie. C'est ça notre objectif. Faire avancer l'église dans l'harmonie. Parce que quoi qu'il en soit, nous allons gagner quelques personnes de plus. Quand l'église marche dans l'harmonie, quand l'église marche dans la paix, quand il y a l'amour de Dieu dans l'église, où les frères et les sœurs s'aiment, il n'y a pas de problème dans les foyers. Notre vie manifestée par qui se manifeste par l'amour, couronné par l'amour, notre harmonie, quand quelqu'un vient au milieu de nous, quand il va nous fréquenter, il regarde comment nous marchons dans l'harmonie, comment nous aimons Dieu, comment nous aimons, comment nous aimons la parole. Cette attitude-là amènera cet homme-là à croire, même sans prédication. Mais une église où il y a du désordre, celui-ci dit, je ne crois pas comme le pasteur. L'autre dit, je ne vois pas de la même manière que l'autre. Il y a des problèmes. Comme le Saint-Esprit nous disait, c'est les jours passés. Il y a des divisions dans les langages. Il y a des divisions dans les sentiments. Il y a des divisions dans la connaissance. Les gens ne voient pas les choses de la même manière. Oui, bien mes frères, quand les gens ne voient pas les choses de la même manière, ils ne peuvent pas être dans les mêmes sentiments. Quand les gens ne peuvent pas être dans les mêmes sentiments, l'amour se refroidit. Vous voyez bien mes frères, et Satan en profite. Les chichis s'élèvent dans l'église, les calomnies, les mépris, les critiques. Vous voyez bien mes frères, des groupes s'élèvent et cela ne peut pas faire avancer l'église. Et quand quelqu'un vient et qu'il trouve un tel état d'esprit dans l'église, cela lui fait peur. Il ne peut pas croire. Oui, bien aimé frère. Il dira, ils sont comme nous. Ils sont comme les autres. Et pourtant, il doit y avoir une différence entre nous et toutes les dénominations. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. Dieu ne peut pas bénir une église qui ne marche pas dans l'harmonie, qui ne marche pas dans la cadence de la parole, qui n'est pas dans l'amour de Dieu. Non, Dieu ne peut pas bénir cette église-là. Est-ce que l'église est avec moi? Oui, bien aimé frère. Nabantu, même les gens, batanza Congo pakuya katikati yetu. Ah, ils vont nous fuir, ils ne voudront pas venir. Anakuya, il vient. Anona esprit mubaya iko katikati yetu. Il voit un mauvais esprit qui est au milieu de nous. Anakimbia katikati yetu. Là, il part, il nous fuit. Et là, nous faisons un mauvais travail. Nous faisons un mauvais travail. Au lieu d'attirer les gens vers Christ, nous devenons des pieds d'achoppement qui éloignent les gens de Christ. Et là, nous répondrons. Et nous ne voulons pas que ces choses-là nous arrivent. Voyez bien, mes frères. Mais nous faisons avancer l'église dans l'harmonie. Parce que quoi qu'il en soit, nous gagnons, nous allons gagner quelques personnes de plus. Vous voyez bien mes frères. Certaines personnes vont s'ajouter. C'est ce que nous voulons. Mais quand l'église n'est pas dans l'harmonie, alors vous causez du tort à l'église. Vous faites donc du tort à la cause. Vous voyez bien mes frères, non, pas à Kanisa. Vous faites du tort à l'œuvre du calvaire. Ah, manake muna kosea kazi ya calvario. Vous causez du tort à Jésus. L'église est avec moi. Vous voyez, quand l'église n'est pas dans l'harmonie, vous causez du tort à l'église et vous faites du tort à la cause, donc à Christ. Vous voyez, vous ne devez pas faire cela. Oui, bien aimé frère. Mais si nous pouvons être d'accord sur une chose, à savoir, le sang de Jésus-Christ nous lave de tout péché. C'est vrai. Et le péché n'est plus. Vous voyez, alors nous sommes plus proches de la maison à ce moment-là. Vous voyez. Vous voyez, c'est ce que nous voulons. L'Église est avec moi. Est-ce que c'est ce que chacun de vous veut? Ni banani bale bana penda kanisa iko na tembea mu harmonie. Qui sont celles qui veulent que l'Église puisse marcher dans l'harmonie ou mapatano? Alors, amenez des questions. Pas de questions imaginaires. Mais des questions qui font pression sur votre vie et qui vous empêchent de bien marcher dans la foi. Oui, bien-aimés frères et sœurs, Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ m'aime. Et Dieu veut que nous marchions dans la paix. Oui, bien-aimés frères et sœurs. Et nous voulons que l'Église marche dans la connaissance. Parce que c'est la promesse du jour. C'est la promesse du jour. Moui wakati yetu, dans notre temps, il n'est permis à aucun homme de marcher dans son cœur avec un cœur plein de doutes et d'obscurité dans sa connaissance. Non. Apana. La promesse du jour. Malako ya siku. Hein, la connaissance augmentera. Ya kwanza, ufamu dans cet âge ici de la Odyssée. La Odyssée. C'est dans tous les domaines il y a de la connaissance. Yote, yote muku ufamu. Mais dans la foi, Mouimani, Dieu a fait de nous des aigles qui s'élèvent au-dessus de tous les oiseaux pour voir clairement tout ce qui se passe dans la parole de Dieu. Rien ne peut nous échapper. Vous voyez bien mes frères, on ne doit pas aller auprès des témoins de Jéhovah pour chercher la connaissance, non? Il ne faut pas aller chez les catholiques pour chercher la connaissance. Non, chez les théologiens. Non. Dieu nous a envoyé un prophète. La lumière du soir s'est levée. C'est pour dissiper toutes sortes de ténèbres dans notre foi avec un objectif d'avancer correctement jusqu'au retour du Seigneur. Voyez bien mes frères, et la promesse dit et mon ange Joël et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Ça c'est la promesse. Si tu es dans la confusion, tu n'es pas l'accomplissement de la promesse. Parce que l'accomplissement de la promesse nous dit, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Alors il faut que les questions soient répondues d'une manière biblique pour que chaque âme soit éclairé et qu'il n'y ait plus de confusion. Voyez, quand on a de la confusion, on embrasse des fausses doctrines. Et quand vous embrassez une fausse doctrine, votre croyance s'arrête. Vous voyez bien mes frères. Et Frère Bana me dit ici, eh bien ce soir, c'est une soirée inhabituelle au tabernacle. Parce que c'est une soirée de questions-réponses. Et d'habitude, cela se fait deux ou trois fois l'an. Voyez, quand il y a toute une série de prédicateurs qui sont passés, chacun l'a utilisé à sa manière. Dieu l'a utilisé à sa manière. Il y a eu des enseignements qui sont passés. C'est le devoir maintenant du berger, alors, de rassembler toutes les pensées de l'église, toutes les préoccupations de l'église. Voyez, les questions qui se sont levées pendant que les autres prédicateurs parlaient. Alors, les brebis amènent cela vers le berger et le berger éclaire l'église. Et quand l'église est éclairée, alors chacun de nous tient à la vérité et chacun de nous marche dans l'harmonie, dans la paix, dans l'amour, et chacun s'attend à la bénédiction de Dieu. C'est vrai. Voyez, et la raison pour laquelle je l'ai fait, c'est pour garder à l'esprit ce qui préoccupe les gens, afin que je sache exactement sur quoi portent leurs questions, que chacun apporte simplement une question, et puis j'y répondrai à partir de cette estrade. Vous voyez, que ce soit une question de la doctrine, j'y répondrai. Vous voyez, je veux devoir répondre aux questions des gens sans savoir qui ils sont. Vous voyez bien mes frères. En effet, vous voyez, sans savoir ce qu'ils sont, je dois y répondre selon la doctrine que nous soutenons au tabernacle. Ah, très important. Nous n'allons pas répondre comme les politiciens. Nous ne répondrons pas comme croient les catholiques. Vile ba katoliki wanaamini hapana. Ou les églises de réveil. Wala bantu makanisa ya mwamsho. Ou les adventistes du 7e jour. Wala bantu adventistes ya 7e. Ou les mormons. Non. Hapana. Nous allons répondre selon ce que nous soutenons au tabernacle. Parce que ce que nous prêchons ici est soutenu par les saintes écritures. Nous sommes une église biblique. Nos enseignements sont bibliques. Et nos réponses sont bibliques. C'est pour avoir une marche biblique. Et pour attendre le retour d'un Jésus biblique. Maintenant une vie biblique. Oui, bien-aimé frère. Oui, bien-aimé sœur. Parce que on doit savoir ça. Chacun doit savoir ce que cette église soutient. Ce que nous croyons. C'est comme je l'ai souvent dit. Un croyant doit savoir ce qu'il croit. L'église est avec moi. Ah ouais, je crois à moi, kanisa hi. Tu ne peux pas venir dans cette église. Ah oui, où est qu'il est ton ami? Tu ne sais pas ce que nous croyons. Tu n'es pas un croyant. Et tu n'es même pas un membre de cette église. Voyez bien, frère. Mon tuyote est comme moi, kanisa. Tout homme qui est dans cette église. Ah oui, qu'il est chi et ton ami? Qui ne connaît pas ce que nous croyons. Ah oui, qu'il est tout qu'on a compagnie. Qui ne connaît pas ce que nous souhaitons. Ah oui, Dieu y a ni. Tu n'as dit tenga na ma. Kanisa yote ya mukambove na tunaji tuko tunakutana hapa. Pourquoi nous sommes ici? Quels sont nos objectifs? Quel est l'objectif des enseignements que nous donnons? Chacun doit connaître cela. Kila mtu anapaswa kujua. Oui, bien aimé frère. Unaona ndugu mpendwa. Tu comment si tu ne connais pas tous ces gens, mon honneur, frère, ma soeur, mais quand tout, et qu'on a pu y accoucaner ça, ni mutualité, comme mutualité, et qu'on a tué mon tota le coulé, à moins de pasteur, à mon tout mien franga, il appelle les pasteurs pour les secourir, les venir en aide. À part de Kirio, à quoi on pâtit qu'on franga, à mouger sans doucou, comme on a dit, on pâtit au tubunga, non. Non, bien les secondaires. Ce sont des choses il y a des choses fondamentales qui nous ont amenés ici. C'est le salut. C'est notre préparation au retour du Seigneur. Namukuchunga Yesu. A tout à tembe n'importe comment. Tu n'as pas à coucher. Tu n'as mini nini. Tu n'as mini à nini ivi. Et pourquoi est-ce que nous croyons de cette manière? Na tu konenda wapi na vile tunamini? Où est-ce que nous allons? Bibi tunamini bite tupeleka wapi? Où est-ce que cela nous conduit? Et Frère Bana me disait, alors chaque église ou chaque assemblée doit avoir une doctrine qu'elle soutient. Nous ne sommes pas un groupe de prière. Non, nous sommes l'église du Seigneur. Nous devons avoir une doctrine. La doctrine biblique. Nous devons avoir la connaissance. La connaissance biblique. Nous devons avoir une vie à mener. Une vie que nous menons. Une vie biblique. Voyez bien mes frères. Voyez bien mes sœurs. C'est pourquoi je suis contre. Contre tout homme. Et toute femme. Et comme Kanisa. Aïwa que doctrine ya Kanisa. Qui ne connaît pas la doctrine de cette église. Kama unaona shitu kuna katala mamenshi, tunajua pourquoi tunaikatala. Hatu kunywa kembombe, tunajua pourquoi nous vivons pas. Nous ne vivons pas l'alcool, il faut savoir pourquoi nous ne vivons pas. Voyez bien mes frères. Unaona ntuku mpende. Hapana kwa kutuletea bitu bila ambao si atuamini. Il faut pas nous amener des choses à laquelle nous croyons pas. Et en tant qu'église, faut bien me dire. En tant qu'église. Comme un peuple. Une assemblée. Nous devons avoir une doctrine que nous soutenons pour être une église. Et cette doctrine que nous soutenons est Iko, au mieux de notre connaissance de la parole de Dieu, de la vérité de Dieu. Et vous avez le droit de les connaître. Comment est-ce que vous le saurez si on ne vous l'a pas enseigné? Comment est-ce que vous pouvez connaître si vous ne posez pas là où tu ne comprends pas, pose ta question. Allez à Ouélé ou Lisa. Et une réponse vous sera donnée. Que Dieu vous bénisse pour ce soir. Qui a compris? Qui a compris pourquoi on fait cette série de questions? Que Dieu vous bénisse. Après cette série de questions, comme je l'ai dit au début, je vais prendre la parole prophétique. Et préparez-vous déjà parce que la parole prophétique n'est pas aisée pour tout le monde. Et nous sommes une église du plein évangile. On ne parle pas seulement de l'évangile. On parle des enseignements. Et il y a un temps, on parle maintenant de la prophétie. C'est pourquoi nous parlerons de la prophétie. Lèvons-nous pour la prière. Prions et disons au Seigneur de nous aider à comprendre clairement l'objet de notre foi et de marcher correctement jusqu'au retour du Seigneur. Prions.